Chapitre 3e, l'hacienda du Rio Verde. Le lendemain matin, ainsi que la chose avait été convenue, Don José arriva au chalet de Carmela. La belle créole n'était pas seule. Elle l'attendait en compagnie d'un individu âgé d'environ 25 ans, au teint basané, aux cheveux roux, et qui avait toutes les allures d'un coureur des bois. Son costume de potané accusait un long usage. La pluie et le soleil y avaient imprimé des traces indélébiles. Sa coiffure en peau de castor devait compter les mêmes années de service. Ses bottes, en peau de bison préparée à la graisse, lui montaient au-dessus des genoux et il portait une longue carabine en bandoulière sur ses épaules. Au moment où le bâtard se présentait au chalet, Carmela, à la suite d'un mystérieux entretien avec l'individu dont nous venons d'esquisser le portrait, lui remettait une boîte microscopique en argent qu'il avait serrée rapidement dans sa veste. « Voici l'homme dont je vous ai parlé hier. » dit la belle créole à Don José lorsqu'il fut entré. « Je le connais depuis longtemps et vous pouvez avoir toute confiance en lui. Que sais-tu faire ?» demanda le bâtard après avoir examiné le protégé de Carmela. « J'ai fait un peu tous les métiers, » répondit l'interpellé, « et vous pouvez me mettre, comme on dit, à toutes les sauces. J'étais tour à tour soldat, piqueur, valet de ferme, cuisinier, gambuccino, mais comme chasseur, la prairie n'a plus de secret pour moi. « Fort bien, » reprit José. « Suis-moi chez mon père. Tu entreras aujourd'hui même en fonction. »« Puis-je savoir quel emploi vous me destinez, Seigneur ?»« Tu seras chargé, en ta qualité d'ancien chasseur, de l'entretien des équipements de chasse, des harnachements des chevaux et de la fourbissure des armes. Quant aux gages, ils seront fixés pour commencer à 100 $ par an. Ces conditions te conviennent-elles ?»« Elles dépassent mes espérances, Seigneur, » reprit joyeusement l'engagé. « À propos, comment te nommes-tu ? « Mon nom de français ou mon nom de trappeur, celui que tu voudras. »« Dans la prairie, on m'appelle Job. »« Alors en route, Job, » dit Don José, après avoir effleuré de ses lèvres les mains de Carmela. L'hacienda vers laquelle les deux jeunes gens se dirigeaient était connue dans le pays sous le nom de Rio Verde. Ce nom lui venait d'un cours d'eau qui coulait à ses pieds. L'hacienda du duc de Clodion était construite sur une éminence boisée. Cette éminence, qui formait un des derniers contreforts de la Sierra, était un vaste promontoire autour duquel le rio se déroulait comme un ruban d'argent. Un ingénieur n'aurait pas choisi un autre emplacement pour une citadelle. Le cours d'eau, qui sans être large était profond, constituait une défense naturelle des plus respectables. Un point bascule reliait l'île à la terre ferme. Bien que depuis longtemps les tribus indiennes eussent renoncé à faire des excursions de ce côté, tous les soirs, à la nuit tombante, le plancher du pont était relevé. À partir de ce moment, il devenait à peu près impossible de pénétrer dans l'hacienda. Lorsque Don José rentrait bien avant dans la nuit, ce qui lui arrivait souvent, au grand mécontentement du duc de Clodion, jamais il n'aurait pu franchir la rivière si un serviteur qui attendait son retour n'eût pas fait jouer la bascule. L'hacienda, par elle-même, était une véritable forteresse. Un mur d'enceinte de 2 mètres d'épaisseur sur 10 de hauteur formait après la rivière une seconde ligne de défense presque inexpugnable. Ce mur, crénelé comme ceux d'un bastion, aurait pu soutenir un siège de plusieurs mois. Une seule porte servait d'entrée. Au-delà de cette porte se trouvaient les écuries et les logements du nombreux personnel domestique. Plus loin commençait un jardin planté à l'anglaise avec une longue allée au milieu qui conduisait au château du maître. Ce château, construit dans le style Louis XIII, était l'œuvre personnelle du duc de Clodion, qui avait eu l'étrange fantaisie de reproduire, au fond du Mexique, les dispositions du manoir paternel brûlé pendant les guerres de Vendée. Son château était pour lui un continuel souvenir de la patrie absente. Lorsque Don José, de retour à l'hacienda, se présenta chez son père, celui-ci était avec son fils Jean de Clodion. Un étranger qui serait entré en ce moment dans la pièce où se trouvaient réunis le vieux duc et ses deux fils, aurait été frappé d'un étonnement que la plume la mieux exercée serait inhabile à décrire. Qu'on se représente deux jeunes gens vêtus de la même manière, accusant le même nombre d'années, de même taille, ayant les mêmes traits du visage, les mêmes regards, et comme complément de cette similitude vraiment extraordinaire, le même son de voix. Le fils légitime et le bâtard étaient à un tel point semblables que les serviteurs de l'hacienda les prenaient constamment l'un pour l'autre. Seul le duc de Clodion ne se trompait jamais. L'entretien qui avait lieu entre le vieux duc et son fils Jean, avant l'arrivée de Don José, était d'une importance telle que nous croyons devoir en reproduire les principaux détails. Cet entretien était venu à la suite d'une lettre que le duc de Clodion avait reçue de France le matin même. Cette lettre était celle dont le marquis de Kerdal avait parlé au docteur Cavarox lors de leurs adieux dans l'hôtel de l'avenue Gabriel. Le gentilhomme breton annonça à son vieil ami que sa nièce Fernande de Croix-Marie acceptait la recherche en mariage de Jean de Clodion. « Ma nièce ne connaît encore ton fils que par le médaillon qui lui a été envoyé, » écrivait le marquis, « mais elle sera enchantée de voir l'original, et puisque Jean, de son côté, s'est pris d'une belle flamme à la vue du portrait de Fernande, expédie-le-moi le plus vite possible, afin que nos deux amoureux, sans se connaître, puissent faire ample connaissance. » Plus loin, le marquis ajoutait, « Je ne doute pas que leur sympathie naissante ne grandisse rapidement, lorsqu'ils seront l'un près de l'autre. Ma nièce est un ange, et ce que tu dis de ton fils me prouve que c'est un vrai Clodion, ce qui pour moi vaut tous les panégyriques du monde. Nous sommes vieux tous les deux, raison de plus pour nous hâter de faire le bonheur de nos enfants. » Pendant la lecture faite à voix haute de cette lettre par le duc, Jean, les yeux fixés sur le portrait de Fernande, le contemplait avec ivresse. « Que dis-tu de cette lettre ?» lui avait demandé son père. « Je dis, » avait répondu son fils, « que j'aime Fernande sans la connaître, et que je l'aimerai mille fois plus, j'en suis certain, lorsque je la verrai. S'il en est ainsi, mon cher Jean, nous allons faire nos préparatifs de départ, et dans 8 jours, nous nous mettrons en route. José sera du voyage, n'est-ce pas ?»« Non, » avait dit le vieux duc d'un ton qui excluait toute réplique. « Il restera ici. » »« J'ai pensé à son avenir, et il sera satisfait, j'aime à le croire. » Ce fut en ce moment que le bâtard entra. « Qu'avez-vous encore été faire à San Antonio ?» lui demanda le duc. « Courir les tripots, sans doute, ou mener joyeuse vie avec des débauchés ?»« J'amène avec moi mon excuse, » répondit froidement Don José. « Voyons cette excuse. Je suis allé à la ville chercher ce domestique dont je vous ai parlé hier, et je vais vous le présenter si vous le permettez. » « C'est différent, » repartit la sienne des héros en se radoucissant. Soit signe de José, le nouvel engagé entra. « Vous êtes français ?» lui demanda le duc de Clodion. « Je suis enfant de Paris, » répondit l'homme. « Inutile alors que vous me racontiez votre histoire, je la connais d'avance. Comme tant d'autres, vous vous êtes laissé séduire par les récits merveilleux qu'on débite vers le pays de l'or. Comme tant d'autres, vous avez espéré vous enrichir en peu de temps et vous n'avez rencontré que d'amères déceptions. Hélas !» fit le pauvre diable. « Allez trouver mon intendant Pedro Diaz, » reprit le duc. « Il vous expliquera le service dont vous serez chargé. » L'homme s'inclina respectueusement et se retira. Pedro Diaz était plutôt l'ami que le serviteur du duc de Clodion. Ils avaient fait connaissance dans les circonstances les plus dramatiques. Le duc, emporté un jour par l'ardeur de la chasse, était tombé au milieu d'une bande d'apaches. Sa mort était décidée et son supplice proche, lorsqu'il fut miraculeusement délivré par un jeune trappeur qui lui-même faillit devenir victime de son noble dévouement. L'Escendero reconnaissant propose alors à son sauveur de renoncer à sa vie errante et de se fixer auprès de lui. Pedro Diaz avait accepté et il était ainsi devenu le chef du nombre personnel que le duc de Clodion employait dans ses exploitations agricoles. Pedro, qui était originaire du Texas, avait 30 ans, au moment où nous le voyons pour la première fois. Sa physionomie avait cette rude expression de franchise particulière aux gens qui n'ont pas subi le frottement de la civilisation moderne. Sa parole, sobre et brève, alla droit au but et traduisait clairement sa pensée, quelle qu'elle fût, sur les hommes et sur les choses. Ayant vécu longtemps de la vie des prairies, il avait acquis, par suite de ses fréquentations avec les tribus indiennes, un grand sens d'observation et une remarquable finesse pour juger ses semblables. À première vue, le protégé du bâtard lui déplut. Il lui trouva le regard faux. Son entrée en matière se ressentit de cette impression défavorable. « D'où venez-vous ? » lui dit Pedro Diaz d'un ton brusque en le scrutant d'un œil défiant. « J'arrive des bords du Colorado, où je faisais le métier de chercheur d'or, » répondit Job. Vous avez sans doute perdu aux montées, dans les cabarets, les pépites que vous aviez récoltées. Le gisement que j'exploitais ne me rapportait pas de quoi vivre, et je l'ai quitté. Qu'avez-vous fait alors ? Un peu de tout, mais rien ne m'a réussi. La malchance m'a poursuivi sans relâche. Ce que voyant, j'ai employé les quelques dollars qui me restaient à acheter un rifle avec des accessoires de chasse. Un pitoyable métier que celui de trappeur. Bref, je serais mort de faim si, en arrivant à San Antonio, je n'avais pas été engagé par le fils du maître de cette hacienda. Le duc de Claudio a deux fils. Quel est celui qui vous a arrêté? Il se nomme Don José. » Le Texien fit une légère grimace, puis il reprit. « Don José vous a-t-il présenté à Monseigneur ?»« Oui, Seigneur. » »« Et Monseigneur vous a accepté ?»« Sauf votre ratification. » »« Oui, Seigneur. » »« Quel emploi vous a-t-on désigné ?» L'Hacendero m'a parlé de l'entretien des armes et des équipements de chasse. « En ce cas, suivez-moi. » Pedro conduisit le nouvel engagé dans une vaste pièce basse qui contenait des harnachements, des selles, des armes et des chaussures de chasse. « Voilà, » fit-il en lui montrant ces divers objets. « Vous pourrez dès aujourd'hui vous mettre à la besogne, car les maîtres doivent demain faire une chasse à la bécassine dans les marais qui avoisinent le Rio Verde. « Il suffit, Seigneur, » dit Job. « Une recommandation qu'il me reste à vous faire. Ces bottes en cuir de Russie que vous voyez, » il lui désigna une paire de bottes neuves, « n'ont pas encore été portées. Monseigneur le duc de Clodion doit les mettre demain, et vous aurez soin de leur donner plusieurs couches d'enduit pour les assouplir. Je ne l'oublierai pas, Seigneur. » Le Texien sortit alors de la sellerie. Lorsque Job se vit seul, il prit les chaussures que Pedro Diaz lui avait désignées, les examina avec le plus grand soin dans tous les sens, et une lueur sinistre jaillit de sa prunelle.